¿Habéis podido recibir los movimientos cervicales en el plano capital y en el plano transversal? Ça peut dépendre des individus. Imaginez que vous testiez quelqu'un qui est en dysfonction systématisée généralisée. En fait, c'est tout qui va être difficile. Il a des difficultés particulières. ¿Alguna dificultad particular? Bon, on va reprendre la théorie puis on va refaire, parce que c'est qu'il faut faire et refaire ce genre de choses. Vamos a retomar la teoría, pero esto lo que hay que hacer es hacer. Alors, donc là maintenant on va être sur la cervicale type, c'est-à-dire les cervicales C3, C4, C5, C6, C7. Ahora lo que vamos a hacer es el tipo de vértebra cervical. Donc, vous voyez qu'on a à peu près la même structure que précédemment. Tenemos más o menos la misma estructura que hemos visto antes. Simplement avec des processus épineux qui sont plus développés et parfois bifides. Las apófisis espinosas están más desarrolladas y a veces son bífidas. Donc, vous voyez donc, les foramen dans lequel, transversaires dans lesquels vont passer la vertèbre. La vertébrale. Et là, on va avoir un sillon dans lequel va passer le nerf. Y aquí tenemos un sillón por donde va a pasar el nervio. Un nervio por cada etaje. Inferiores a la hora de inclinar la cabeza giran del mismo lado. Alors les cervicales supérieures, elles qui n'ont pas les incus. Y los que no tienen el humerus, las cervicales superiores. Donc non pas, hein, d'accord. Elles vont suivre les lois des vertèbres générales, c'est-à-dire inclinaison, rotation opposée. Siguen la ley de las vértebras que no tienen estos humerus, que es inclinación, rotación contralateral. ¿Es qué? ¿Podéis explicar eso? Porque yo pensaba que las cervicales altas giraban hacia una dirección y las bajas hacia otra. Y ahora no lo entiendo. Sí, ha dicho eso. Es que simplemente se cumple. La función de la dirección de las cervicales altas y las bajas, o sea, cómo se acopla de paso de tiempo. ¿Qué es el incus? Porque tenemos estos incus. Vale, entonces, de la C7 a la C3, ¿qué van? ¿En bloque hacia un lado? No. ¿Y las de arriba son más móviles? De C3 a C6 es que se un bloque. El tema es si ella en rotación o para de rotación o qué es que una vez de su yo repito. Les lois générales au niveau vertébral, c'est inclinaison, rotation du côté opposé. La ley general a nivel de las vértebras es inclinación, rotación contralateral. Si vous regardez mes mains, les vertèbres sont posées les unes sur les autres. Las vértebras, si ves sus manos, están puestas una encima de las otras. Ok, donc j'incline et ça tourne du côté opposé. Esto se inclina y gira del lado opuesto. Les seules vertèbres qui ne se comportent pas comme ça. Las únicas vértebras que no se comportan de esta manera. C'est-à-dire que quand elles s'inclinent, elles tournent du côté opposé. Esto significa que cuando hacemos una inclinación, giran del lado contrario. C'est les vertèbres cervicales inférieures de C3 à C7. Son las cervicales inferiores de la C3 a la C7. Et c'est celles qui, anatomiquement, ont une variation en possédant des incus. Y es donde tenemos esta variación anatómica de los incus. Donc, c'est-à-dire, au lieu que les vertèbres soient posées les unes sur les autres, en général, les vertèbres se colocan unas encima de las otras, elles sont emboîtées. Y estas están encajadas unas con otras. Le fait qu'elles soient emboîtées modifie les capacités de mobilité. Y esto, esta característica de que estén encajadas unas con otras modifica las características de movilidad. De la inclinación. Claro, porque tiene el ojo. Entonces no le permite sentir contra la tela. Tiene más que el mismo lado. Hay que tener las cervicales altas, y como no lo tiene, sigue la ley de suelo. Se inclina y trata contra la tela. Es que tiene que pasar el contrario. Por eso no ha sido yo. Sí, es que lo que dice. Claro, es que hace la inclinación. Vamos a repetir una última vez, ¿vale? Pour la loi générale au niveau des vertèbres. Ah, vale, he dicho giran al lado contrario porque quería decir que giran al lado contrario de las demás vértebras. ¿Cuál es lo que os salía? On s'incline à droite, ça doit tourner à gauche. Una vértebra normalmente, si inclinamos a la derecha, gira a la izquierda. Donc ça c'est valable pour toutes les vertèbres qui sont posées les unes sur les autres. Y esto es válido para todas las vértebras que se colocan unas encima de las otras. Ok, sans emboîtement. Sin encaje, o sea, sin estar bon. Encajados. Le fait qu'il y ait un emboîtement. El hecho de que haya un encaje. Donc sur les vertèbres cervicales inférieures, C3 C7. Que pasa en las cervicales inferiores de la C3 a la C7. Est corrélé à une modification de la cinétique physiologique. Está relacionado esto con una modificación de la movilidad, de la cinética. Okay. Donc là, on a inclinaison, rotation opposée. Y aquí tenemos pardon, homolatéral. Una inclinación y y rotación homolateral. Ahora sí. No, está así. ¿Tanto? Alors, c'est facile à retenir. Celles qui sont différentes au niveau morphologique, elles sont différentes au niveau comportemental. Alors, c'est très facile. Los que sont différentes à niveau morphologique se comportent à niveau de manière différente. Todas contra. D'autres, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il y a d'autres observations? Esto está claro o todavía hay dudas? Pero con el control dinámico entonces, con ese bloque de vértebra, ¿dónde hay postura dinámica? ¿Avexa? ¿Qué es con pans? ¿Qué quieres preguntar? Es como nosotros el movimiento es inclina y rota contra la trans. ¿A qué nivel quieres preguntar? O sea, él está diciendo que hay bloques que hacen la inclinación y he entendido que rota hacia el mismo lado. Estamos en las verticales, ¿eh? Ah, claro, sí, claro. Creo que tú eres. Sí, pero... Donc, simplement, si on revient sur la posture dynamique, si volvemos a la postura dinámica, physiologiquement, les vertèbres cervicales inférieures vont tourner vers la droite, si je m'incline à droite. Las, en la postura dinámica, fisiológicamente, las vértebras cervicales inferiores van a querer girar. Si me inclino a la derecha, van a querer girar a la derecha. Mais simultanément, les vértèbres cervicales hautes vont tourner vers la gauche. Pero simultáneamente, las vértebras cervicales altas van a querer girar hacia la izquierda. Donc, ce qui fait que ce qu'on connaît bien dans la posture dynamique, c'est que le regard doit toujours rester dans le plan frontal. Porque queremos que la mirada siempre se mantenga en el plano frontal. Donc, la vue générale des vertèbres avec le processus épineux C7 qui est le plus saillant. Aquí tenemos la vista general de las vértebras cervicales con la apófisis espinosa de la C7 que es mucho más prominente. C7 n'est pas forcément toujours la vertèbre la plus facile à mobiliser hein, dans les techniques qu'on a montrées. La C7 normalement ne suele ser la vertèbre más fácil para mobilizar con las técnicas que hemos visto antes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des rotations cervicales, lo que hay que saber es que a nivel de las rotaciones cervicales, en fait, il y a surtout une vertèbre qui tourne. Et surtout, il suele haber una vertebra que gira. Donc, c'est C2. Puisque la moyenne de la rotation des vertèbres, c'est 75 degrés. Porque la media de la rotación de las vértebras es 75 grados. Plus ou moins, ça dépend des individus. Más o menos, que esto depende de los individuos. Et vous voyez que C2 assume plus de la moitié de la rotation, c'est-à-dire 45 degrés. Entonces, esto hace que asuma la C2 más de la mitad de los grados de la rotación. Donc, ce qui explique qu'on va souvent retrouver des perturbations au niveau cervical haute, notamment C2. Muchas veces vamos a encontrar disfunciones a nivel de movilidad de las cervicales altas, sobre todo en la C2. Donc, imaginez, pour prendre un exemple concret, que vous mettiez une talonnette. Por ejemplo, imaginaos que ponemos una alta. Même admettons qu'il y a une jambe courte. Aunque haya una disimetría real. Si on met une talonnette avec un plan incliné, d'arrière en avant. Si colocamos una talonera con un plan inclinado de la atrás, il y a une pour que ça génère une rotation contralatérale du bassin. Esto tiene una gran posibilidad de que cree una rotación contralateral de la pelvis. Si une rotation contralatérale du bassin, ça fait tourner mon corps le premier pour la gauche. Si hacemos una rotación contralateral de la pelvis, miramos hacia la izquierda. Donc qu'est-ce que j'ai obligé de faire? De tourner la tête du côté ovolatéral à l'intérieur. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solo tener que hablar que girar la cabeza hacia el mismo lado que llevo el alza. Qu'est-ce qui va faire la majorité du travail? ¿Cuál es el que va a hacer más trabajo? ¿Cuál es el que va a trabajar más? C'est la C2. Et autour de C1 et C2, il y a plein de ligaments, il y a plein de nerfs. Y alrededor de C1 y C2, hay muchísimos ligamentos, muchísimos nervios. Ah, vous savez, par exemple, quand on a une névralgie d'Arnold, ça part de C2. Por ejemplo, si tenemos una neuralgia de Arnold, esto viene de la C2. Donc, et C2 peut être perturbé parce que le pied est perturbé, parce que le bassin est perturbé, parce qu'on a mis des semelles qui sont inadaptées. Y puede que tengamos una C2 que está perturbada porque hemos puesto los pies están perturbados, hemos puesto un alza o hemos puesto unas plantillas que no están bien adaptadas. Récemment, avec de l'IRM, recientemente con la electromiografía, résonance magnétique nucléaire. Résonance magnétique. Ouais. Si, qu'est-ce que dit ça? Non, pas électronique. Ah, y'a quand même. Ok. Donc, on a montré qu'il y avait une association au niveau des cervicales supérieures entre rotation et flexion latérale opposée. Vieron que había una asociación entre la rotación y la flexión lateral opuesta. Y du même côté pour le rachis inférieur. Y del mismo lado por el rachis cervical inferior. Donc là on remonte le flipper. Aquí volvemos al flipper. On va le refaire par la suite en modifiant des choses au niveau postural. Vamos a hacer modificando las cosas a nivel postural. Donc est-ce que c'est clair pour vous cette notion, même si après est un petit peu difficile? Está claro, aunque haya sido un poquito difícil. Est-ce que vous essayez de faire ce que je vous ai demandé de faire? Faites deux fois moins fort, mais c'est plutôt deux fois moins vite en fait. C'est pas tellement un problème de force. ¿Habéis intentado hacerlo una vez o dos, pero dos veces más lento, dos veces más suave? Voilà. Et vous avez perçu qu'en faisant des mouvements relativement subtils, c'est là où on arrive à avoir le plus de mouvements. Sí, y muchas veces cuando hacemos movimientos más sutiles, es ahí donde vamos a percibir más movimientos. Donc, ceux qui ont des difficultés à percevoir le mouvement, los que tengan problemas para percibir el movimiento, essayez d'aller plus lentement. Intentar ir un poquito más lento, más suave. Sí. Yo he notado que en el matrimonio, un lado estaba como más bloqueado, ¿no? Entonces, no sabría decir si es por el músculo o realmente por la vértebra. La perçois que d'un côté c'est plus bloqué que de l'autre. Elle ne sait pas si c'est la vertèbre, la cosse ou le muscle. S'en fout. Nous da igual eso. Ce qui nous intéresse par rapport à ce qu'on fait nous, là pour l'instant on est en train de voir qu'il y a des variations. Para lo que hacemos nosotros, por ahora estamos mirando si hay o no variación. Et dans un deuxième temps, dans la mesure où on ne travaille pas localement la région, mais on travaille de manière indirecte avec les semelles. Et depuis le moment où nous sommes travaillant, non de manière directe à la semelle, mais à travers la plantilla, ce qui nous intéresse, c'est de voir est-ce qu'on a amélioré des choses ou pas. L'intérêt que tiene esto es de ver si hemos mejorado las cosas o no. D'accord. Donc, d'un point de vue. Si jamais vous trouvez plusieurs zones qui sont en restriction. Si alguna vez encontráis varias zonas que están en restricción. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une interrelation. Lo que podemos hacer es una interrelación. Donc, j'ai deux vertèbres qui ne veulent pas translater vers l'avant. Tenemos dos vértebras, por ejemplo, que no quieren ser trasladadas hacia arriba. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur une, je la stimule. ¿Qué hacemos entonces? Apoyo sobre uno, estoy estimulando. Et je teste après la mobilité de la seconde. Y lo que vamos a hacer es testar la movilidad del segundo. Et vice versa. Ok, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Está claro. Donc ça vous permettra petit à petit d'affiner le niveau de la vertèbre qui est dysfonctionnelle. Esto nos va a permitir afinar poco a poco el nivel de la vértebra que sea disfuncional. Pour être plus précis dans votre traitement. Para que podáis ser más precisos a nivel de vuestro tratamiento. Au niveau de la neutralisation des dysfonctions somatiques. A nivel de la neutralización de las disfunciones somáticas. D'accord. Alors, on poursuit. Donc, on a vu tout ça. Alors, mais on ne va pas se ruer sur les cervicales. On ne va pas. On ne va pas se précipiter sur les cervicales. Ah, pero no nos vamos a precipitar en las cervicales. Parce qu'on va souvent s'apercevoir que les cervicales réagissent à une adaptation posturale. Porque nos vamos a dar cuenta de que muchas veces las cervicales reaccionan a otro problema. Donc, par exemple, ça pourrait être une adaptation à un problème de l'arc inférieur, notamment un problème neural. Por ejemplo, pueden reaccionar a un problema del arco inferior, muchas veces un problema neural. Si vous avez une perturbation, comme vous l'avez vu hier, au niveau du plexus sacré. Por ejemplo, como visteis ayer, si tenemos una perturbación del plexo sacro. Imaginez, ça veut dire que si je prends perturbation du plexus sacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon corps va se mettre en l'arc de cercle. Si tenemos una perturbación del plexo sacro, ¿qué significa? Que mi cuerpo se va a colocar como un arco de flecha. Donc il y aura une répercussion jusqu'au cervical. Y esto va a tener una repercusión hasta los tejidos cervicales. Donc peut-être que je teste une ou des cervicales qui sont dysfonctionnelles. Y si testo las cervicales que están en disfunción. Et je demande donc de plier les jambes. Y le pido al paciente que doble las rodillas. Donc d'un point de vue neural, ça veut dire quoi si je plie les jambes? Y esto desde un punto de vista neural, ¿qué significa que dobla las rodillas? Je diminue la tension sur le plexus lombaire, je diminue la tension sur le plexus sacré. Estoy disminuyendo la tensión del plexo lumbar y del plexo sacro. Donc, en fait, quelque part, c'est je désactive l'arc inférieur. Entonces, en alguna parte, estoy desactivando el arco inferior. Et si je retire l'arc inférieur et que j'ai une amélioration au niveau cervical. Y si quito o retiro el arco inferior y tengo una mejoría a nivel cervical. Et que j'ai une amélioration. Donc, j'ai une amélioration au niveau cervical, je pourrais dire, donc, le problème, il vient du bas. Entonces, lo que puedo decir es que el problema viene de abajo. Et à ce moment-là, peut-être, j'ai pas besoin d'utiliser les semelles pour faire un déparasitage somatique. Entonces, en este momento, no necesito las plantillas para hacer un desparasitaje somático. Mais je vais faire un traitement manuel du pied. Pero sí que tengo que hacer un tratamiento manual del pie. Est-ce que ce schéma est clair pour vous? ¿Esto está claro para vosotros? Vous êtes un peu endormis ou c'est pas très clair? ¿Estáis dormidos o no está claro? Un café. Un café. ¿Está claro si quitas eso? Alors, si on veut réintégrer les thoraciques. El tema, si tu has dicho que on fue la compartir manual, me va a desemer o me desemer, o si es la compartir manual. No. J'ai pas parlé de semelle. No ha hablado de semelles. J'ai parlé de déparasitage somatique. Lo que está hablando es de desparasitaje somático. Okay. Les semelles de posture. Elles sont toujours basées sur un trépied. Las plantillas posturales están basadas en tres puntos. Déparasitage podal. Desparasitaje podal. Déparasitage somatique. Desparasitaje somático. Remédiation. Y remediación. Donc là, dans ce cadre-là, potentiellement, tu peux retirer peut-être le déparasitage somatique. En este caso, potencialmente, lo que puedes quitar es el desparasitaje somático. Mais il restera toujours le déparasitage podal et la remédiation. Pero te quedará todavía el desparasitaje podal y la remediación. Donc, si on veut réintégrer des choses au niveau du foyer, la zone thoracique antérieure, on peut par exemple lier les bras. Si queremos reintegrar las cosas a nivel de la zona torácica, donc, vamos a cruzar las manos, o sea, los brazos. On fait la même chose. Est-ce qu'il y a une modification ou pas au niveau cervical? Y preguntamos si hay una modificación o no a nivel cervical. Sinon, il faudra plutôt aller voir le côté thoracique, voire diaphragmatique. Y entonces habrá que ir a ver la parte torácica o la parte diafragmática. Tout ça, on l'a fait. No, ha sido una mala. Hasta lo que hemos visto hasta ahora, ¿tenéis alguna pregunta? Sí, chino. Aquí o sea, hacemos la interrelación, ¿no?, de el lado torácico y las cervicales. Y de lumbares y arco inferior hacemos a la vez con las cervicales, que no se separa, como no hay una distinción de arco inferior y cervicales y lumbares y cervicales. On peut l'intervention de l'arbre inférieur et du thoracique ensemble ou non? Sur les photos, c'était comment? Et les photos, comment se fait ça? Non. Pour la masquerna, c'est pas ça. Mais... Non, mais regarde, la photocopie, est-ce que ça ressemble ou c'est dispensé? Mira en la photocopie si se hace tout à la vez ou non. Arbre inférieur et lumbares, entiendo que sí. Los dorsales no, es con las piernas extendidas. Pero arco inferior y lumbares van las dos. Ah, ¿quieres preguntar si se disocian el plexo lumbar y el plexo sacro? Sí, sí. Es un peu disocié el plexo sacré y el. ¿Y esto por qué lo quieres hacer? Pues porque estamos haciendo disociaciones de partes del cuerpo y el arco inferior lo hacemos por un lado, las lumbares lo hemos hecho por otro, las dorsales por otro y las cervicales por otro. No es que lo quiera hacer, sino pregunto. Dí que hubo el thoracic, el lumbar, ¿sabes? ¿Cuál es lo que va a hacer? ¿Lo de ensemble? ¿El de más? Le simple fait de plier les jambes. Que siempre doblar las rodillas diminuye las contraintes au niveau du plexus sacré, au niveau du plexus lumbar. Disminuye las tensiones a nivel del plexo sacro y a nivel del plexo lumbar. Bon, la question quand on est au niveau cervical, on se pose si on a une restriction de mobilité. Sí, la pregunta que nos vamos a hacer si hay una restricción de movilidad a nivel cervical. Est-ce que la perturbation elle est initiale au niveau cervical? Nous allons nous demander si la perturbation tiene un origen à niveau cervical. Ou est-ce que ça vient du dessous? Ou est-ce que vient d'abord? Donc, pour voir si ça vient de la boucle podopelvienne. Para saber si viene del bucle podopélvico. On va en pliant les jambes. À la hora de doblar las rodillas. On diminue les contraintes au niveau du plexus lombaire et du plexus sacré. Vamos a disminuir las tensiones a nivel del plexo sacro. Donc, si on a une amélioration, entonces, si tenemos una mejoría, à ce moment-là, vous faites ce que vous avez vu hier. Podéis hacer lo que visteis ayer. Notamment avec le test des loges antérieures, latérales et postérieures. Sobre todo con lo que visteis de los compartimentos anteriores, lateral y posterior. ¿De acuerdo? Pero no sería en ese momento hacer las compresiones para ver si esa roca va a ir a Alors tu peux faire les compressions aussi, tu sais que ça en va. Là, ce qu'on est en train de regarder, c'est juste, est-ce que c'est en haut, est-ce que c'est en haut. También puedes hacer las compresiones, pero ahora mismo lo que estamos preguntando es, ¿esto viene de abajo o viene de arriba? Et si jamais il y a une orale, il est plus intéressant de faire en règle générale une orale avant. Es más interesante hacer el neural antes. Good. Tórax. Tórax. En costillas y tórax. Pero no viste a la tórax. Quand tu l'avais, tu voulais te poser. Qui est-ce qui voulait te demander quelque chose? Donc, d'abord, là, on analyse le mouvement des cervicales. Si on a une qui a une restriction de mobilité, je me pose la question, est-ce qu'il y a autre chose qui influe sur cette cervicale? Et l'idée, c'est de dire, bah, je retire la boucle podopelvienne. Entonces, l'idée est que je retire le podopelvico. Je retire le côté thoracique. Retiro la zona thoracica. Je sais que je n'ai pas tout retiré, mais s'il y a une amélioration, je sais qu'il ne va pas falloir traiter la cervicale en premier. Es verdad que no ha quitado todo, pero si hay una mejoría, también sabe que lo que hay que tratar no son las cervicales. Que es una adaptación. Porque son solamente adaptaciones. Tu cherches une vertèbre qui va pas, tu trouves une vertèbre qui va pas. Tu trouves ça, tu vas faire l'interrelation avec la vertèbre ou tu commences à... Tu analyses tes cervicales. Analyse tes cervicales, premièrement. Plusieurs possibilités. Tienes varias possibilités. Aucune dysfonction. Ninguna dysfonction. Autre possibilité, une dysfonction. Autre possibilité, une dysfonction. Bon, tu compares avec le bas, tu compares avec le côté thoracique. Tu trouves deux dysfonctions. Encuentras dos disfunciones. Tu fais l'interrelation. Haces la interrelación. Locale. Et après, tu fais l'interrelation. Haces la interrelación local y luego haces la interrelación global. Distance. Ok, allez, pause. Vale, pausa.